Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf maintenant. On a parlé avec le directeur général Junior Junot mardi. Là, maintenant, on va parler avec notre ami Michel Lallemand. C'est la chronique du club de golf de Chibougamau, commandité par le club de golf. Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, d'abord, j'imagine, comme junior, que tu étais quand même optimiste d'avoir une saison, toi. Oui, j'étais convaincu qu'on aurait un début de saison. Puis, j'anticipais la semaine dernière. Et donc, pour cette semaine, là, ça confirmait là, un petit peu les attentes que j'avais. Là. OK. Puis, j'imagine que pour vous autres, comment ça se passe à Chibougamau? Est-ce que les gens sont optimistes? Est-ce que vous avez perdu beaucoup de membres? Comment ça s'est passé? Alors, chez nous, dans le fond, la date d'ouverture qui a été officialisée là, le 20 mai, pour chez nous, ça ne sert à rien. Okay. On pensait ouvrir vers le 22-24. Mais là, à cause des conditions climatiques de l'avant-dernière semaine, ça va nous mettre là, à mardi prochain, le 26, ouvrir. Mais on a fait notre prévente la fin de semaine dernière. OK. Puis on a déjà 150 membres d'inscrits sur notre objectif là, de 185. Donc, à ce niveau-là, la réponse est excellente. On devra avoir encore un bon achalandage au niveau de nos membres. Tout le monde a bien hâte de commencer comme partout ailleurs. Fait que non, la saison devrait être bonne. OK. Puis ça va dépendre aussi de la température. Puis comparativement aux autres, vous autres, le Green Fee, ça risque d'être intéressant pareil? Oui, chez nous, là, comme on dit depuis plusieurs années, c'est pas un facteur majeur. OK. Chez nous, là, l'achalandage est très limité à cause de notre positionnement géographique. Fait que donc, ça ne devrait pas avoir on n'a pas eu de perte comparativement à bien d'autres clubs. Je parle au niveau du golf. Okay. C'est sûr qu'on a beaucoup d'autres pertes au niveau de la bâtisse. Mais au niveau du golf comme tel, là, la saison devrait ressembler sensiblement aux autres années, sauf comme partout ailleurs. Il n'y aura pas de tournoi majeur, pas de gros rassemblement. Pas de tournois corporatifs. Oui, mais ça, les tournois corporatifs, ça, vous en faisiez quand même pas mal, hein? On avait 3 ou 4, là, okay. Qui étaient quand même assez importants. Fait que, on va devoir oublier ça pour cette année. OK. Dis-moi, comment que ça va coûter? Est-ce que la Coupe des champions et tout ça, vous allez la tenir, ça? On devrait les tenir pareil parce que... Ouais. C'est des rassemblements qui sont pas prévus. Okay. Donc, les compétitions de golf, où c'est sensiblement comme une journée normale, les heures de départ sont préétablies, les gens se présentent avant leur départ, sauf qu'après, ben, il y aura pas de gros rassemblements comme tel. Mm. On attend d'avoir les prochaines directives, comme tout le monde, au niveau des bars, des restaurants et des terrasses. Moi, j'anticipe là, une ouverture pour la Saint-Jean-Baptiste. OK. On va voir ce que le gouvernement va dire, là. Mais je peux dire que moi, je pense que partout au Québec, les restaurants, les bars, les terrasses, ça va réouvrir. Avec les clubs de golf, ça va être pareil. Là. OK. Dis-moi, pour évidemment, vous autres, votre vache à lait, c'était la salle, le club de golf, évidemment, c'était tel que tel, mais la salle, c'était vraiment votre vache à lait, parce que les mariages, tout ça, vous êtes à peu près la seule salle à Chibougamau. Ça vous donne un bon coup, ça. Oh oui. Ouais. Ça va être certainement là, le plus gros déficit que le club de golf n'aurait jamais connu. En 25 ans qu'il est ici, là, en 30 ans tout près, là, qu'on est ici au centre-ville. C'est sûr, on avait 6 mariages cet été. Ouais. C'est cancellé. Les 4 gros tournois avec des soupers et des choses, c'est cancellé. Depuis le 15 de mars, plus aucune réservation, plus aucune activité. On avait la soirée Chassepère, les films de Chassepère. Ouais. On avait un snowcross au mois de mars. Ça a été annulé. Ah. Ça va, le déficit va se chiffrer par plusieurs milliers de dizaines de milliers de dollars. Là. OK. Donc ça va faire... Malheureusement, vous avez un bon coup. Hein? Vous avez un coussin, heureusement. Là. Ouais, on n'a pas de coussin comme partout ailleurs. Ouais. On vit pratiquement d'année en année. Conseil d'administration, là, on commence déjà là, à regarder là, des solutions, des alternatives à cette difficulté. Okay. On espère toujours pour la période de septembre à janvier, mais on est vraiment là ouais. plus en mode qu'il n'y aura rien là, pour l'automne. Oui, c'est sûr. Aussi, c'est quand même positif pareil, donc il va y avoir autant de petits tournois et ainsi de suite. Là. Mais dis-moi, est-ce qu'il va y avoir... Il va y avoir des promotions encore plus agressives cette année, parce que je parlais avec Louis Aubin, il m'a dit comme la semaine passée, puis Louis disait que ça va être au club à trouver une façon peut-être d'aller chercher la business perdue. Est-ce que de ce côté-là, vous autres, vous avez quand même pensé à quelque chose? Oui, nous autres, là, on a quand même beaucoup de publicité locale, okay. d'invitations au rang du secteur. On va continuer à ce niveau-là. Puis on espère que ceux qui vont tomber là, en manque d'activité loisirs vont peut-être venir faire un tour au club de golf, c'est bien évident. Ouais. Ben Michel, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, c'est une année pas facile avec la COVID et on va se parler toutes les semaines, évidemment. Parfait, Danny, ça me fait plaisir. Voilà le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lalanne.